J'ai trop longtemps vécu dans l'illusion. Depuis le début, je me suis fait que des visions. Je pensais contrôler la vie à ma façon. Mais je me suis rendu compte que j'ai fait comme tout le monde. Travailler pour se payer une belle berline. Ensuite avoir une petite copine. Connaître l'amour. Avoir quelqu'un auprès de soi sur qui compter pour toujours. J'étais loin dans mes rêves sans m'apercevoir que dans le réel pour nous tous ce n'est pas pareil. Influencé par la télévision qui fait jaillir en nous trop d'illusions. Nourrir le désir, la soif de réussir, de pouvoir tout s'offrir sans souffrir. Un avenir où tous les matins on se lève esprit serein. Avec le sourire libre, ne se préoccuper de rien. On peut y arriver ou s'en priver. Avoir accès à une vie aisée sans tomber dans l'excès où tout peut s'affaisser. Nos projets deviennent possibles, accessibles avec de l'ambition qui rime avec frustration. J'en ai avec elle, ma musique est née. C'est une de mes passions. Ça me permet de fuir autrement que la boisson. Créatrice d'illusions. L'alcool, c'est ma faiblesse. Et ça me blesse quand les gens me détestent en état d'ivresse. Parfois, il faut un accident pour révéler en soi l'importance et les dangers de sa putain dépendance. En soirée, pris dans l'euphorie, je deviens ivre, j'ai l'impression d'être libre, invincible. Mais j'en oublie des lendemains difficiles. Du style mal au ventre, envie de se pendre. Motivation pour entreprendre. Entre la pensée et l'action, il y a un fossé qu'il faut savoir traverser. Si on veut se réaliser, vivre dans l'instant, c'est important pour le mental. Ça ira mal pour notre morale si on est tout le temps à la recherche d'un idéal. Être réaliste, c'est ma devise, contrairement à l'église. Trop d'illusions laisse des religions et nous divise. L'humain tombe dans la bêtise en croyant que grâce à Dieu tout se réalise. Mais c'est grâce à soi qu'on avance, à nous d'en prendre conscience. En se faisant confiance, on appréhende mieux nos souffrances. C'est avec nos songes que l'on se ronge, on ne croit plus au bonheur. Beaucoup d'entre nous meurent avant l'heure d'un cancer ou d'une tumeur. Emporté par son anxiété, on cherche une sécurité dans la fiction, la projection. Sans apprécier nos vies telles qu'elles sont. Toujours envieux, jamais heureux de ne pas voir tout ce que l'on veut. En ce qui me concerne, je n'ai pas de chance avec les femmes. Cela me consterne et me fait mal. Alors pour me détendre, je me dis que tout arrive à point qui sait attendre. J'ai trop longtemps vécu dans l'illusion. Loin du réel, je me suis fait beaucoup de visions. Je pensais que tout me tombait du ciel. Mais je suis maître de mon destin. À nous de mener notre vie à bien. Ne pas sombrer dans la boisson qui détruit nos ambitions. J'ai trop longtemps vécu dans l'illusion. Dans l'illusion, loin du réel, je me suis fait beaucoup de visions. Je pensais que tout me tombait du ciel. Mais je suis maître de mon destin. À nous de mener notre vie à bien. Ne pas sombrer dans la boisson qui détruit nos ambitions. J'ai trop longtemps vécu dans l'illusion. Loin du réel, je me suis fait beaucoup de visions. Je pensais que tout me tombait du ciel. Mais je suis maître de mon destin. À nous de mener notre vie à bien. Ne pas sombrer dans la boisson qui détruit nos ambitions. J'ai trop longtemps vécu dans l'illusion. Loin du réel, je me suis fait beaucoup de visions. Je pensais que tout me tombait du ciel. Mais je suis maître de mon destin. À nous de mener notre vie à bien. Ne pas sombrer dans la boisson qui détruit nos ambitions. J'ai trop longtemps vécu dans l'illusion. Loin du réel, je me suis fait beaucoup de visions. Je pensais que tout me tombait du ciel. Mais je suis maître de mon destin. À nous de mener notre vie à bien. Ne pas sombrer dans la boisson qui détruit nos ambitions. J'ai trop longtemps vécu dans l'illusion. Illusion.